j'aurai mon bagage et où que je sois, j'aurai toujours ton âge. Car dès que je ferme les yeux, je vois ton visage, ton sourire, mon enfant, et le plus beau des présents, t'as fait de moi un pas.